voulais remercier Martine. J'étudie les femmes et le travail depuis 20 ans. Et donc, quand j'ai entendu qu'il y avait ce séminaire sur les femmes au travail, ah, j'étais très heureuse. Et ça fait 3 ans que j'essaie de venir. Donc, finalement, oui. Et j'ai appris beaucoup sur les femmes et le travail ce semestre, enfin, depuis janvier. Merci. J'ai 3 projets de recherche. Je vais parler surtout de ce livre, Career Stories. C'est en anglais. Je ne vais pas passer, mais c'est en anglais. Et j'ai essayé de traduire, mais enfin, s'il y a des choses qui sont toujours en anglais, vous me direz. Et puis, j'ai un projet que j'ai commencé il y a 5-6 ans et un projet que je viens de commencer ce semestre. Oui, je pense que oui, là, c'est la liste. Donc, Career Stories, il s'agit de la belle époque, de la fin du 19e jusqu'en 1914. Et puis, les romans contemporains, je me suis demandé qu'est-ce qui se passe maintenant dans la littérature française et québécoise. Pendant longtemps, j'habitais à côté de Québec, et j'ai quelques livres... que j'ai apporté, parce que la littérature québécoise, peut-être que vous connaissez moins que la littérature française. Et puis, ce semestre, j'ai commencé à étudier la génération qui précède, celle de la Belle Époque, donc les femmes qui sont nées en 1820 ou 1830 et qui ont publié dans les années 60. Et ça, il y a beaucoup de questions, donc je vais parler très brièvement de ces femmes-là. Les questions principales, il y a bien sûr... beaucoup de questions, pourquoi est-ce qu'on trouve ces femmes au travail dans la littérature, mais ce sont des questions que j'ai posées pour structurer les 3 projets. Comment est-ce que la protagoniste qui travaille développe-t-elle sa personnalité publique, sa personnalité du travail, qui est souvent différente que sa personnalité à la maison? Comment est-ce que sa personnalité va changer sa profession, ou est-ce qu'elle a un impact sur le lieu de travail, ou est-ce que vice-versa, est-ce que son travail va changer la femme? Comment est-ce que son emploi va influencer le récit? Dans le roman traditionnel, c'est souvent les rapports personnels ou un voyage ou un événement qui va changer la direction du travail, mais dans ces romans, c'est souvent l'emploi, la carrière qui va changer la direction de l'histoire. Et puis finalement, les romans, est-ce que ces romans créent une nouvelle forme littéraire? Il y a des oui et des non, enfin ça dépend. Donc Career Stories, j'ai commencé ça il y a presque 20 ans maintenant. J'ai terminé ma thèse de doctorat sur Colette et j'ai étudié surtout les livres de la Belle Époque, les Claudines, et La Vagabonde, où il y a une femme au théâtre. Et une collègue m'a demandé qui d'autre écrivait, quelles autres femmes écrivaient pendant cette période. Et il y a 20 ans, quand on allait dans les librairies, il y avait Colette. Je me suis dit, ce n'est pas possible, n'écrivez pas dans un vide seulement avec les hommes. Et j'ai commencé à lire les romans de cette période. Et je pensais qu'il y aurait peut-être une centaine, mais il y avait des centaines et des centaines de textes et des dizaines de femmes qui écrivaient. Il y avait une trentaine de textes qui m'ont vraiment frappée, et c'était des textes où on trouvait une femme professionnelle, une femme sur son lieu de travail. Et donc j'ai choisi ce groupe de textes. Et le lieu de travail pouvait être très varié. Il y avait un lycée, il y avait beaucoup de lycées. Il y avait, entre 1900 et 1905, il y avait 12 romans qui se passaient dans un lycée de jeunes filles ou dans une école normale, ou juste comme ça. Un hôpital, un laboratoire, palais de justice, un cabinet d'avocat. Il y avait des studios d'artistes, les bureaux d'un grand journal. Il y avait vraiment toutes sortes de lieux de travail dans ces textes. Je me suis demandé pourquoi est-ce que tout d'un coup, début du XXe siècle, on trouve ces femmes au travail. Bien sûr, il y a quelques bases historiques. Il y a, dans la médecine, il y a les premières femmes françaises et aussi des femmes étrangères qui viennent à Paris pour avoir le diplôme. J'ai mentionné Madame Bresse, il y a aussi... Caroline Schulz. Et elles étaient dans l'actualité. On trouve ces femmes dans les journaux, tout le monde en parlait. Elles étaient une curiosité. Dans le droit, la première femme avocate, c'était Olga Petit, une Russe qui s'est mariée avec un avocat français. Mais tout de suite après, je pense que c'était 5 jours après, il y avait Jeanne Chauvin qui était vraiment la féministe qui avait demandé depuis 10 ans de devenir avocate. Et elle a prêté serment tout de suite après que la loi a passé en 1900. L'École normale de Sèvres, bien sûr, a ouvert ses portes en 81. Et il y avait plusieurs autres écoles normales dans les régions de France. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup de femmes qui sont allées à l'école normale et qui ont écrit des romans après. Donc c'est pour ça, je pense, qu'on trouve 20 ans plus tard une quantité de textes qui se trouvent, enfin, qui ont le lieu, l'école normale comme le lieu principal. Et bien sûr, Marie Curie a gagné le prix Nobel en 1903. Beaucoup de. Enfin, bien sûr, avec elle et son mari Henri Becquerel, mais elle était celle dont on parlait dans les journaux, la femme qui a gagné le prix Nobel. Je n'ai pas mentionné les journalistes, mais on a parlé de Marguerite Durand et il y a Olympe Audouard aussi qui a fondé le Papillon. Marguerite Durand a fait La Fronde. Il y avait plusieurs journalistes et aussi directrices de journaux pendant cette période. Donc il y a des bases dans l'histoire pour ces textes. Il y a des bases littéraires aussi. Souvent dans ces textes, c'est le bildung vraiment, le roman d'apprentissage, qui est le genre de base. Et le roman social aussi du 19e siècle. Mais je pense que le roman naturaliste, c'est peut-être l'influence la plus grande. Il y a plusieurs écrivains de cette période qui ont dit que oui, c'était Zola qui m'a inspiré, que je voulais imiter Zola. Et on a parlé de Au bonheur des dames tout à l'heure. Ça, c'est la couverture de 85, je pense. Enfin, donc, ce n'est pas la première édition, mais. Et on voit, c'est Denise, la protagoniste, qui est en train de vendre. Elle commence comme assistante dans l'atelier, enfin, dans la boutique de son oncle, mais puis elle quitte la maison familiale et elle entre dans le grand magasin de rayon. Et ça, c'est un peu une Beruf, c'est une précédente de ces textes parce que elle commence comme petite employée, comme assistante dans le rayon, elle devient chef de rayon et on voit qu'elle monte l'échelle et finalement elle se marie avec le patron du magasin. Oui, elle devient oui copropriétaire. Donc on voit un peu son évolution comme capitaliste et il y a des liens, mais elle n'avait pas besoin d'éducation formelle. Ça, c'est quelque chose qui. Une grande différence. Les romans de la Belle Époque, toutes les femmes avaient une éducation, au moins le baccalauréat, souvent baccalauréat plus 4, ou enfin une école, une formation à l'université. Et donc, bien sûr, elle a eu un apprentissage chez son oncle, mais on pense qu'elle a une dent. Pour le commerce, c'est un esprit inné, elle est née pour le commerce, on dit. Donc, et puis, il y a la fameuse crise du roman. J'étais surprise quand j'ai lu ce texte. Il y a plusieurs historiens de littérature qui disent qu'entre Zola en 95 et Marcel Proust dans les années 20, il n'y a rien. Le roman est nul, je ne sais pas, mais. On dit que. Et je pense que ces auteurs ont influencé un peu les femmes qui écrivaient au début du XXe siècle, mais pour moi, je trouve que ce qu'elles faisaient, c'est peut-être un remède, une solution à cette crise. Si on regarde, Michel Raymond et les autres historiens ne regardaient pas ces textes, mais s'ils avaient regardé ces textes, peut-être qu'ils n'auraient pas. Enfin, critiquer si sévèrement cette période pour le roman. Bien sûr, la poésie, le théâtre, tout ça, il y avait, et dans les autres arts aussi, il n'y avait pas de problème, mais pour le roman, ils pensent que c'est une période où il y a une crise. Ok, qui sont les écrivains? Je n'ai pas trouvé beaucoup de photos d'elle. Elles sont un peu anonymes, mais bien sûr, au centre, il y a Colette, que tout le monde connaît. Marcel Tiner, qui était journaliste aussi bien que romancière. Gabrielle Raval, elle était normalienne, enfin, elle était sèvrienne. Elle a eu son diplôme en 93 et elle a enseigné dans un lycée pendant 5 ou 6 ans avant d'écrire. Elle a fait une trilogie, sévrienne, lycéenne et un lycée de jeunes filles. Et puis Colette Hyvert, qui est connue maintenant comme anti-féministe, et c'est vrai, après la Première Guerre mondiale, elle a écrit beaucoup de livres sur les saintes et des livres qui ont eu un message assez misogyne à la fin. Mais avant la Première Guerre mondiale, elle a écrit beaucoup de textes où il y avait des femmes très actives dans le domaine public, à l'école ou dans une profession libre. Ça, c'est quelques-uns. Dans Career Story, j'ai étudié 7 femmes et 12, 13, 14 livres, mais il y a d'autres. Donc, ça, c'est quelques romans. J'ai mis ça dans les catégories que j'ai choisies pour le livre, mais il y a beaucoup d'autres romans. Comme j'ai dit, il y a une trentaine. D'abord, il y a les romans où l'éducation est centrale. Claudine à l'école. Il y a des parodies, mais aussi il y a des textes sérieux. Enfin, il y a les deux. Une chose qu'on trouve dans tous ces textes, c'est la communauté des femmes. Donc, il y a une directrice d'école, les professeurs qui sont femmes et aussi les élèves. C'est un espace un peu utopique. Et il y a souvent le voyage, on doit quitter la société traditionnelle pour aller à un espace un peu séparé de la société. Quelquefois, il y a beaucoup de problèmes dans ces espaces, ces communautés, mais dans chaque livre, on essaie de créer cet espace pour les femmes. Et un des problèmes, une des crises dans les textes, c'est l'invasion par les hommes, par la société, par le village ou la ville. Il y a trois, quatre romans sur les pionnières, les scientifiques, archéologues, historiennes. Il y a dans Cervelines, une protagoniste, c'est une professeure d'histoire et aussi archéologue. Elle fait des recherches au Liban. Et dans ces romans, il y a l'image ou la figure de pionnière, parce que ce sont des femmes dans des professions traditionnelles masculines, et donc elles n'ont aucun modèle féminin. Les professeurs sont masculins, les collègues sont masculins, tout le monde est. Donc elles suivent les règles de la. Il n'y a pas beaucoup de questionnements souvent de la profession. Elles essaient de suivre. Comme les peintres, elles essaient de suivre les règles de l'institution et elles doivent montrer qu'elles sont aussi fortes ou plus fortes que les hommes pour réussir dans les professions. Et donc il y a souvent le plus de conflits dans ces textes entre la vie privée et ce qu'elles veulent faire et la vie professionnelle. Et puis il y a des indépendantes, ce sont des artistes, des écrivains. Et là, souvent, ce sont des femmes qui sont au milieu de leur carrière. Et donc, qui sont déjà divorcées, veuves, et donc elles n'ont pas, et aussi elles ont déjà quelques succès, elles ont déjà publié, elles ont déjà des succès au salon, et donc elles n'ont pas besoin de se battre. Enfin, elles ont toujours des difficultés avec le travail, mais souvent le récit se concentre sur la vie privée. Mais elles n'ont pas besoin de suivre les règles de la société, de la communauté. Et il y a un roman où on trouve les trois, on va parler de ça plus tard. C'est un roman sur les avocates. Et là, c'est les Cervelines. Ça, c'est une historienne qui est sur la couverture. Dans son cabinet, oui, son bureau, oui. J'ai inventé ce terme Berufsroman, c'est un peu comme un Bildungsroman, mais au lieu, j'ai utilisé le mot allemand pour carrière ou vocation, parce que ce n'est pas le développement de la personne de la personne de l'individu, c'est le développement de sa personnalité professionnelle. Comment est-ce qu'elle monte dans l'institution, comment est-ce qu'elle entre dans l'institution ou la carrière qu'elle a choisie. Il y a des éléments qu'on trouve dans tous les textes. Est-ce qu'elle est passionnée pour son sujet? Quelquefois, elle fait ça pour gagner sa vie, mais souvent, c'est parce qu'elle adore ce... Elle ne peut pas arrêter de penser à la médecine ou à l'art ou à écrire. Elle écrit tout le temps, enfin, des choses comme ça. Il y a des rites de passage, surtout dans les textes où on voit les femmes qui arrivent ou commencent leur carrière pour entrer dans l'école de médecine. Il y a les examens. Il y a des descriptions très détaillées. Claudine à l'école, si vous avez lu ça, elle part avec sa classe pour le brevet. Et il y a une description très détaillée du voyage par train. Et puis... l'examen lui-même, l'examen écrit, et tout le monde essaie de tricher, l'examen oral, et puis elle retourne au village, et c'est le triomphe, et tout le monde les accueille avec, enfin, elles sont honorées. Enfin, ces rites de passage, on les voit dans presque tous ces romans, en grand détail. Le mélange de lieu de travail et espace domestique, on trouve ça dans tous ces romans. Et bien sûr, c'était typique de l'époque. On trouvait les cabinets de l'avocat au rez-de-chaussée et puis l'appartement au premier étage. Mais ici, l'écrivain essaie de dire, ah oui, elle a mis son laboratoire à côté de la chambre des enfants. Comme ça, elle peut s'occuper des enfants et du laboratoire en même temps. Ou le cabinet pour les clients est à côté de la cuisine. Comme ça, elle peut faire les deux. Oui. Et donc, c'est plus que ce qu'on trouve historiquement. Et l'harcèlement sexuel, on n'utilise pas ce terme, mais c'est ça qui existait. On voit les collègues ou les patrons qui essaient de séduire ou qui pensent que la femme n'est pas capable. Et souvent, ça, c'est quelque chose qui va changer le récit. L'héroïne va quitter sa carrière ou elle va changer d'institution, changer d'hôpitaux ou changer de... Il y a un roman qui s'appelle Pharmacienne. Elle voulait être médecin, mais à cause de son patron, enfin son directeur de thèse, elle doit quitter l'école de médecine et devenir pharmacienne. Donc souvent, c'est une clé pour le récit. Et quand on regarde le genre, c'est un mélange de genres. Il y a le roman d'aventure qui est lié avec le Bildungsroman. On doit se connaître, c'est la quête d'identité. Il y a les rites de passage, succès, échec, détour de programme. Mais aussi le roman d'amour traditionnel, on trouve ça dans beaucoup de ces textes. Donc on essaie, enfin, il y a des héroïnes qui essaient d'avoir les deux. On fait la cour, on tombe amoureuse. On se marie, même il y a quelques héroïnes qui ont des enfants. Et souvent, c'est le mélange. Comment est-ce qu'on va avoir ces deux choses en même temps qui est la clé au roman? Et est-ce qu'on peut le faire en même temps? Et à cette époque, la belle époque, non. Souvent, la réponse est non. Il faut choisir. Et il y a des héroïnes qui décident qu'elles vont continuer avec la carrière et renoncer à la vie privée, enfin la vie privée traditionnelle. Et il y a d'autres qui décident qu'elles vont arrêter leur carrière et vont avoir la vie privée. De temps en temps, on trouve les deux, mais c'est rare. C'est assez rare. Une chose, la réception après la Première Guerre mondiale, il y a Simone de Beauvoir qui a parlé, enfin c'est un peu célèbre, elle a parlé de Colette Hiver, que c'était des romans que son père aimait, parce que la femme décidait à la fin de garder le foyer et de ne pas faire sa profession. Et donc, et c'est vrai qu'on peut considérer ça comme antiféministe, mais quand j'ai lu ces textes pendant 290 pages, il y a une femme active et qui excelle dans sa profession et qui est vraiment très forte. Et à la fin, elle dit « Oh, je vais arrêter. » Et c'est une conclusion un peu artificielle. Elle change tout d'un coup dans les cinq dernières pages du roman. Elle dit « Ah oui, ok, je vais être femme au foyer. » Je pense que c'était peut-être, il y avait d'autres raisons. Ce n'était pas pour dire, ah oui, la femme n'est pas capable, la femme n'est pas aussi assez intelligente. C'était pour dire que la société faisait trop de demandes sur la femme professionnelle. Donc c'était une critique de la société plutôt qu'une critique de la femme. Mon interprétation, on peut en discuter. Donc après ce projet, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce que même dans le XXe siècle, après la Première Guerre mondiale, il n'y avait vraiment pas beaucoup. Même les écrivains qui écrivaient ces textes ont changé après la Première Guerre mondiale. Il y a quelques fois, on trouve, par exemple, Simone de Beauvoir a écrit L'invité, c'est des femmes au théâtre. Elle a écrit Les belles images, c'est une femme qui travaille dans la publicité. Il y a Élise ou la vraie vie, ça c'est un de mes textes préférés. C'est la femme dans l'usine, qui travaille dans l'usine. Mais c'est assez rare de voir les femmes professionnelles dans les livres entre 1920 et 1970 à peu près. Et je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe maintenant? D'abord, il y a de grands changements. Les personnages féminins dans les romans contemporains, on les trouve presque toujours avec une carrière, une profession, et dans des domaines très variés. Ce n'est pas une exception maintenant. C'est normal. Oui, c'est la norme. Et aussi, il y a une certaine continuité avec la Belle Époque. On trouve les héroïnes qui essaient d'équilibrer la sphère privée et la sphère publique dans les romans. Aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé dans les textes aujourd'hui. Pour le contexte historique, les années 60-70, on a beaucoup de fiction expérimentale où le récit, s'il y a un travail, ce n'est pas le lieu principal et ce n'est pas d'où vient le récit principal. Souvent, le récit, c'est basé sur le développement ou l'évolution de la personne. Il y a l'expression en anglais the personal is political. On explorait la vie privée et on voulait parler de cela plus que la vie publique. Je donne quelques exemples québécois et français, mais il y a bien sûr beaucoup. Mais à partir des années 80, on commence à voir beaucoup plus, et c'est la littérature a changé. Il y a le post-structuralisme, on revient au récit chronologique, récit traditionnel. On voit je sais pas, des dilemmes qui se passent dans les lieux de travail plus souvent. Et donc, les questions principales commencent à changer, mais ils reviennent à ces questions que j'avais posées pour La Belle Époque. Comment est-ce que la protagoniste va développer sa personnalité publique? Et comment est-ce que le travail va influencer le récit? Est-ce que le personnage principal va pouvoir changer son travail, son lieu de travail, ou est-ce que vice-versa, son travail va la changer? Et ça, c'est quelques noms. Je vais circuler, j'ai quelques textes québécois, si vous voulez regarder. Il y a quelques écrivains qui ont continué des années 60 et 70 à maintenant. Il y a Nicole Brossard, par exemple, qui est bien connue. Elle a écrit la fiction expérimentale dans les années 70 et maintenant, c'est une fiction post-structuraliste, je pense, qui est vraiment. Enfin, pas réaliste, pas du tout, mais qui a un récit avec un début, un milieu et une fin. Les professions, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé dans les romans québécois. Il y a souvent des postes dans l'administration. Le ministre dans le gouvernement, une directrice du musée de la civilisation, directrice d'une bibliothèque, un professeur universitaire, une informaticienne, une danseuse, une professeure dans une école de danse et son étudiante de maîtrise. Donc, souvent, ce sont des femmes avec, encore une fois, avec une formation assez élevée et qui ont des carrières dans les professions libres, souvent. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'au Québec, ce n'est pas le quotidien des femmes qui travaillent. Mais si on regarde, et ça aussi, c'est, je fais des généralisations maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de textes, mais je choisis des textes qui sont populaires, enfin, qui ont eu une bonne réponse critique, mais aussi qui sont bien disséminés dans, dans la population québécoise, française, qui sont devenus des films, on enseigne dans les universités, des choses comme ça. Donc, on, quand on regarde l'autre en France, ce sont souvent des ouvrières, secrétaires, concierges, caissières. Il y a quelquefois une responsable de télécommunication, c'est, enfin, quand j'ai parlé avec Marie Dariussec, c'était, elle a dit que c'était une secrétaire, mais avec un titre élevé, mais c'était une sorte de secrétaire. Et le cadre de marketing aussi, elle est, elle a une licence, je pense, en marketing. Mais souvent, la protagoniste est ouvrière. Et je n'ai pas encore de réponse pourquoi, mais peut-être qu'on peut discuter ça. Voyons. Les formes narratives, il y a quelques parallèles. Si c'est un roman où la femme commence sa carrière, on voit souvent des parallèles. Il y a la femme qui questionne son institution ou la profession. Elle a des conflits à cause de son travail et souvent, à la fin, elle quitte son travail. Elle décide que ce n'est pas la carrière pour elle. Si c'est une femme qui est au milieu de sa carrière, c'est un roman d'intérieur, un roman intime, parce qu'elle n'a plus de... Enfin, quelquefois, il y a des problèmes au travail. Je pense à L'inconnu parle encore de Claire Martin. C'est une directrice d'une bibliothèque. Elle a quelques difficultés à montrer son autorité. Il y a des hommes qui travaillent pour elle, qui sont misogynes et qui écrivent des lettres anonymes qui disent « Ah oui, la directrice, elle ne sait pas ce qu'elle fait. » Elle doit savoir qui écrit ces lettres. Et elle découvre que c'est un homme qui travaille pour elle depuis 5-6 ans. Et elle ne veut pas le virer, mais elle ne veut pas garder. Donc, elle a des crises. Comment est-ce que je vais gérer ça? Donc, il y a des questions au travail. Mais il y a aussi son ex-mari revient à la maison, elle ne sait pas comment se débarrasser de lui. Une chose qui est intéressante dans les romans contemporains, si une femme qui a un problème personnel, elle ne téléphone pas à sa famille ou à son ami, ses copines, elle téléphone aux collègues. Elle discute les problèmes personnels au travail. Elle voudrait savoir comment est-ce que je vais résoudre ça, et elle trouve la solution souvent au travail, sur le lieu de travail. Voyons. Les entretiens. Pour la belle époque, bien sûr, je ne pouvais pas demander aux auteurs, mais une chose qui est frappante quand on regarde, quand on parle avec les auteurs, c'est de... On peut comprendre mieux leur choix de carrière. Quelquefois, les auteurs disent ah oui, c'était absolument, ça devait être chef de cuisine, ou ça absolument, ça devait être un architecte, il n'y avait pas de question. D'autres ont dit ah, oh, ça pouvait être n'importe quoi, fleuriste ou ouvrière, ça. Mais souvent le choix de carrière est important pour la structure. Je pense à Louise Dupré, son texte à un architecte, et elle a dit que cette femme était elle a une vie très structurée, et c'est parce que architecte et ingénieur, il faut avoir une bonne base scientifique, mais aussi il y a le côté artistique. Et cette femme, elle a beaucoup de conflits personnels parce qu'elle ne sait pas si elle doit partir à la créativité ou rester dans sa vie stable et structurée. Donc elle a dit que la carrière était essentielle pour sa personnage et le récit. D'autres disent que non, ça n'a pas d'importance. Aussi, j'essaie de faire l'entretien dans leur lieu de travail pour voir comment elles structurent l'endroit où elles travaillent. Et ça peut être un café avec beaucoup de monde qui parle, ou une toute petite chambre à l'intérieur de leur appartement. Donc, il y en a d'autres qui écrivent dans un bureau où elles, enfin, en principe, elles font un autre travail, mais elles partagent, enfin, elles utilisent le déjeuner au bureau pour travailler. Donc, ça aussi, ça m'instruit un peu sur leur lieu de travail, comment est-ce qu'elle imagine le lieu de travail. Donc, dans le livre, je pense que... Enfin, l'analyse littéraire, c'est un peu intéressant, mais je pense que ces entretiens sont vraiment clés pour comprendre les textes. Et je vais essayer d'inclure des extraits des entretiens quand je finis le livre. OK. Et je reviens un peu au 19e siècle. Ce semestre, depuis janvier, je me suis dit, encore une fois, les femmes de la Belle Époque, elles n'ont pas écrit dans un vide. Elles avaient des précédentes littéraires, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore trouvé d'exemple. Peut-être que vous connaîtriez d'autres femmes. Je vais donner deux exemples des femmes que j'ai étudiées ce semestre. Claude Vignon, elle était bien active et bien connue dans au public. Elle a commencé très jeune comme journaliste. Elle a écrit pendant la Révolution de 48 pour le Tribune des Femmes. Et puis ensuite, en 51 et 52, elle a été critique d'art pour le Salon de 51 et 52. Elle s'intéressait beaucoup à l'art et donc elle a suivi des leçons de sculpture et elle est devenue sculptrice elle-même. Elle est devenue romancière aussi. Et j'ai étudié sa littérature. Olympe Audouard, vous connaissez peut-être plus, elle est une féministe assez bien connue du 19e siècle. Comme j'ai dit, elle a fondé le journal Le Papillon. Elle a fait beaucoup de voyages. Elle a une dizaine de récits de voyages. Elle était romancière aussi. J'étais fascinée par... On peut trouver des sculptures de Claude Vignon un peu partout à Paris. Les grands bas-reliefs se trouvent dans l'escalier de Fuel. Elle a eu des commandes de l'empereur. C'était de l'impératrice Eugénie. Oui, c'est Saint-Michel. Ce n'est pas ça, mais c'est le bas-relief là. Qui est ça, oui, son bas-relief. Oui, donc, sauf si vous passez devant la fontaine. Oui. Et aussi, elle a des sculptures sur l'hôtel de ville, dans le 4e. Donc oui, un peu partout. Et elle est un peu oubliée maintenant, mais pendant le Second Empire, elle était assez bien connue. Et tout l'escalier a des... des petits enfants, mais là c'est les génies de science en haut et en bas c'est les génies des arts en haut de l'escalier. Quand on regarde ces romans, donc je me suis dit, ah, avec une femme si active, si engagée dans la vie publique, dans les arts, dans le journalisme, elle va avoir des protagonistes professionnels. Mais non, dans les romans que j'ai lus jusqu'ici, ce sont des femmes au foyer, des femmes, surtout des femmes de la bourgeoisie. Elles ont des problèmes souvent financiers, un mari qui les abandonne ou des choses comme ça. Et donc, on les trouve quelquefois dans le bureau d'un avocat ou devant devant un juge. Mais ce n'est pas dans un rôle professionnel, c'est pour demander de l'argent ou des choses comme ça. Avec Olympe Audouard, c'est un peu la même chose. Elle a voyagé en Turquie, en Égypte, aux États-Unis, en Russie. C'est une femme indépendante dans ses voyages. Elle a écrit beaucoup de pamphlets. Vous connaissez peut-être la réponse à Barbie d'Aurevilly et son écrit sur les bas bleus. Mais elle a écrit beaucoup de textes de non-fiction contre les hommes, contre les lois. Misogyne. Mais quand on regarde ces romans, encore une fois, il n'y a pas de femmes dans le monde public, dans la vie publique. J'ai trouvé Les Escompteuses, c'est une longue nouvelle. Ce sont des femmes du grand monde parisien, mais qui ont besoin d'argent. Et donc, elles, par exemple, elles trouvent un homme aristocrate ou une famille aristocrate qui n'a pas beaucoup d'argent et un banquier ou un bourgeois riche. Et elle va les mettre ensemble, marier la fille du banquier avec le garçon de l'aristocrate. Et elle gagne un pourcentage, elle gagne 20% donc elle gagne leur vie, mais c'est toujours dans l'espace privé. Elles ne veulent pas que le grand monde sache qu'elles doivent gagner leur vie. Donc elles ont une profession, mais c'est caché, ce n'est pas une profession visible. Mais ça, c'est la seule. Les autres, ce sont des femmes qui ont des problèmes avec les lois, le code Napoléon, les maris qui les abandonnent, ou un problème d'argent. Il n'y a pas de journaliste, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas d'artiste, il n'y a rien. Donc, je sais, c'est, enfin, jusqu'ici, j'ai trouvé un écart. On trouve des femmes très actives dans la sphère publique, mais les héroïnes, les protagonistes, pas du tout. Et je ne sais pas, je vais continuer le projet, je vais essayer de trouver, mais pour l'instant, j'en trouve pas. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on apprend de ces représentations des femmes sur le lieu de travail? Je pense que la Belle Époque, c'était vraiment, enfin, je garde l'espoir de trouver des protagonistes professionnels au 19e siècle, mais pour l'instant, je pense que la Belle Époque était un tournant pour la littérature française. On trouve des femmes qui doivent équilibrer leur vie privée, leur vie professionnelle, qui confrontent les institutions masculines, qui essaient de laisser leur marque sur les professions. Et on a gardé cela pendant tout le XXe siècle, et maintenant au XXIe siècle, on trouve toujours ce type de récit dans les romans. Donc je pense que la Belle Époque, c'était vraiment un moment où on change l'histoire. Aussi, je pense qu'on peut trouver l'imaginaire de la société, soit française, soit québécoise, dans ces textes, et aussi l'imaginaire contemporain ou historique.